Le chat du rabbin de Johann Svarr, publié chez Dargaud. Adaptation radiophonique Katel Guillou. Septième épisode, un russe tombé du ciel. Je suis le chat du rabbin. Avec mon maître et sa fille Zlabia, il m'arrive toutes sortes d'aventures incroyables. Par exemple, une fois, je suis allé à Paris et il a plu. Mais depuis qu'elle et son mari sont rentrés en Algérie, ma maîtresse n'est plus la même. Te voilà, toi. Toi ou moi, même si tu vas courir sur les toits la nuit, je sais que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne viens pas te coucher ? Non, je préfère encore étudier un petit peu. En fait, je crois qu'elle n'est pas heureuse avec lui. Au fond, je m'en plains pas. Elle s'occupe plus de moi comme ça. Zlabia ! Zlabia ! Zlabia, mon amour ! J'ai une excellente nouvelle aujourd'hui. C'est quoi ? C'est un mari qui annonce sans cesse des bonnes nouvelles. Les livres que j'attendais, ils viennent d'arriver. Il ne s'aperçoit pas que ces bonnes nouvelles ne font plaisir qu'à lui. T'avais commandé des livres ? Mais plein ! Ils viennent de Russie, tu te rends compte ? Sa vie sexuelle à lui ? Les communistes ferment les yeshivotes là-bas. C'est les livres. Alors les centres de prière se regroupent pour sauver les livres. On dirait que tu t'en fiches. Je m'en fiche. Tu plaisantes, j'espère. Non, parce que notre synagogue va hériter le vieux rouleau de la Torah. Et des traductions du Talmud avec des commentaires inédits. Même une Haggadah annotée par le rabbi de Lubavitch lui-même. Parce que tu es Lubavitch, toi, maintenant. Oh, mais tu veux rien comprendre, hein. Ah, voilà, là, ça doit être eux. Entrez. Voilà, entrez, mais... Merci, posez ça là. Doucement. Dites donc, il y a quoi là-dedans? Des pierres? Des livres. Et faites attention, hein. Zlabia, tu serviras du café pour ces... Zlabia ? Mais Zlabia, elle est déjà retournée chez son père. J'en peux plus. C'est pas un mari que j'ai. C'est une bibliothèque ambulante. Enfin, Zlabia. Tu ne crois pas que tu es un tout petit peu soupaulée ? Tu vas te mettre de son côté maintenant ? Mais non. Je vais aller lui parler. Moi ? J'aurais eu des bras ? Je lui aurais bien cassé la figure au mari. Allonge-toi, ma fille. Détends-toi. Ton papa, il va te préparer un bon café. Et avant même que tu le demandes, en plus. Je me demande si je ne l'ai pas un peu trop gâté, ma fille. Qu'est-ce qu'il fiche encore, celui-là ? Ah, il est bien comme son père. Dès qu'il est dans son bureau, plus rien d'autre n'existe. Jacques ? Tu es là, mon fils ? Au milieu du salon, trônait la gigantesque caisse débordant de livres. Qu'est-ce que c'est que ce chat, Zlabia ? Mon maître aussi adore les livres. Alors il n'a pas pu résister à l'envie d'en savoir plus. Mais à l'intérieur, au milieu des volumes, oh ! Il y avait... Un mort ! Il est toujours là ? Mon fils... M'expliquer, s'il te plaît. J'étais parti boire un Sanzano. Un Sanzano ? Bah oui, j'espérais que j'avais eu une hallucination, qu'il aurait disparu à mon retour. Mais non, il est bien là. Regarde. Ne joue pas avec ça, toi. Russe mort. Quelle prière doit-on dire dans ce cas-là ? On ne sait même pas s'il est juif. J'eus beau leur dire que ce type était vivant, bien entendu, personne n'écoutait. comme d'habitude. Et tu vas te taire, toi. Je vais chercher d'autres rabbins. Moins d'une heure plus tard, cette pièce ressemblait à un vrai Sanhédrin. Il y avait là 10 rabbins, un circonciseur, quelques élèves et autant de curieux, et même une poule. Évidemment, puis ils sont nombreux, moi ils savent quoi faire. Ils avaient peur de Dieu, ils avaient peur des autorités religieuses, ils avaient peur de la police. Bref, ils avaient peur de tout. Vous pouvez bénir le ciel que je sois là. Alors, il faut le circonciseur vérifier. Suggéra que l'on vérifie si le mort disposait d'un prépuce, afin de déterminer le rite funéraire conforme à sa religion. Je suis le seul dans cette assemblée qui dispose de l'expérience requise pour effectuer un tel examen. De plus, mon diagnostic a valeur de certificat officiel du rabbinat. Non, moi je pense qu'il n'est pas convenable de toucher l'intimité d'un mort. Et si les chrétiens, vous allez faire quoi? Appeler un curé? Ils vont encore dire qu'on a pratiqué un crime rituel. Oh non, c'est péché. Non. Dans ce cas, nous ferons le rite chrétien nous-mêmes. Parce que tu sais faire les enterrements catholiques, toi? Je parle latin. Et tu vas dire quoi? Le kadish en latin? Arrêtez. Si ça se trouve, ce mort, il est juif. Après tout, on l'a bien trouvé dans une boîte pleine de Talmud. Non, mais ça ne règle pas le problème. Juif ou pas, c'est un russe. Tu crois peut-être que les Ashkenazim, ils enterrent comme nous? Oh, mais enfin, Abraham, évidemment. Oh, monsieur, il est de Paris, alors il sait tout. Enfin, qu'est-ce que t'en sais qu'ils ont le droit d'être enterrés dans le même carré que les séfarades, ces gens-là? Ils sont beaucoup plus stricts que nous, à ce qu'il paraît. La Torah, ils la lisent en allemand. Tu le crois, ça? Est-ce qu'ils enterrent à même le sol comme nous, ou est-ce qu'ils font un cercueil? Cette dernière question jeta l'assemblée dans la terreur. Si on doit commander un cercueil pour ce mort, l'entreprise des pompes funèbres dira que les juifs veulent enterrer un non-juif. On n'a qu'à l'enterrer dans sa caisse. Bon, alors il faudra d'abord sortir les livres. C'est à ce moment-là qu'un vieillard a fait son entrée. Place au kabbaliste! Je le connaissais bien, celui-là. Depuis qu'il était aveugle, il était encore plus borné qu'avant. Les secrets de Dieu sortent par ma bouche. C'était le maître de mon maître. Il avait été le Dayan de la communauté pendant 40 ans. De son bras puissant et de sa large main, le Saint loué soit-il, vous a fait sortir d'Égypte et a rendu vos mères fécondes afin que les générations vous conduisent ce jour dans cette demeure et que vous entendiez ma parole. Oh. Sans doute que dans sa jeunesse, il était intelligent. Mais moi, je pense qu'il devrait exister un permis de rabbin, comme pour les voitures. Tous les 10 ans, on devrait leur passer, et si on est devenu trop bête, hop là, allez virer. Au lieu de ça, celui-là, il ne se contente même plus du Talmud. Il est kabbaliste, désormais. Quand il était jeune, il disait que c'était interdit de lire la Kabbale. Et maintenant qu'il est devenu aveugle, il croit qu'il sait tout. Je sais. Qui est cette créature? C'est le golem. La preuve, il a des parchemins dans la bouche. Mais gare à celui qui déchaîne le golem et ne sait plus l'arrêter. Sur lui s'abattront la fureur, la malédiction et tout un essaim d'anges malfaisants. Pendant ce temps-là, Zlabia, qui n'était au courant de rien, s'inquiétait de ne voir revenir ni son papa, ni son chat. Bonjour, mademoiselle Zlabia. Bonjour. Vous voulez une belle carpe? Ils sont pêchés de ce matin. Non, merci. Auriez-vous vu mon père? Oui, je l'ai vu. Il y a longtemps? Il y a un quart d'heure à peu près. Il est rentré chez votre mari. Merci. Au revoir. Venez, achetez les... Alors elle avait décidé de venir voir ce qui se passait, dans sa maison. Une plume. Qu'on me donne une plume. Elle arriva au moment le plus palpitant. Papa ? Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais inscrire sur son front les lettres de vie. Guide mon bras droit. Et tout de suite, maître. Et sans le faire exprès, il planta sa plume en plein dans le nez du type. Oh, excusez. C'est des réflexes. Tout le monde fut émerveillé par le miracle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur a fait beaucoup d'études, monsieur devrait savoir. C'est invraisemblable. Un golem ne peut jamais parler. Peut-être que c'est juste un type normal. Qui a dit ça? Un impie ou un imbécile? Non, c'est juste un vendeur d'eau, maître. Non, c'est le petit bouc. C'est la colère des morts. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons cédé à la lubricité. Ah, хватит кричать мне на уши! Я не понимаю вашего языка. Personne ne le comprenait. Ça faisait comme avec moi. Здесь кто-нибудь есть, кто говорил бы по-русски? Ils ne savent pas écouter. Мрэу! Мрэу! Мрэу! Quelle misère. Il y a donc personne qui parle russe ici? Moi, je te comprends. Un chat qui parle? Tu es le premier humain qui m'écoute depuis une éternité. Ici, on dirait que plus personne n'est capable d'entendre ce que je dis. Ah, c'est dommage. Alors, tu ne veux pas pouvoir me servir d'interprète auprès de tes maîtres? Non, mais on peut discuter si tu veux. ça te fait rire. C'est juste que chez moi, je peins toujours des animaux. Et la première personne que je croise en Afrique, c'est un chat russophone. Ah non, je parle pas russe, moi. Je parle arabe, français, ladino, un peu d'espagnol, mais rapide. Et moi, je parle seulement le russe. Un peu le yiddish aussi, mais rien d'autre. Ça alors? Ah, pourquoi on te comprend? Je ne sais pas. Mais dis-moi, est-ce que je suis bien à Addis Abeba ou moi? Non, tu es à Alger. Vogando. Vogando quoi? Merde. Ah oui. Oui, je comprends. Le russe était épuisé. Zlabia a fichu tous les curieux dehors et l'a emmené dans le jardin de son père pour le revigorer. Voilà du bon thé à la menthe et plein de petites choses à grignoter. Allez-y, servez-vous. N'hésitez pas. Ça, ce sont des petits pains aux dattes et aux noisettes. Et là, ce sont des macroudes. Macroudes? Macroudes, c'est ça. C'est une pâtisserie de chez nous. Очень вкусно. Спасибо. Le mort a vite repris des couleurs. Alors, il va mieux le miraculé? Zlabia, j'ai trouvé une idée pour communiquer avec ce spécimen. On va utiliser les livres de prière. Regarde ça, Michel Strogoff. Est-ce que tu comprends? Là. Modoni. Le faneja. Le fanejo. Qu'est-ce qu'il prononce mal? Shalom aleichem. Shalom aleichem. Oh là là. Alors, vous comprenez? Il connaît les prières, mais il met des O à la place des A. On pourrait peut-être lui parler en hébreu. Ma fille, l'hébreu, ça ne se parle pas. Le ladino, le castillan, ça oui, c'est des langues. Mais l'hébreu, c'est juste pour faire les prières. Détrompez-vous. Les sionistes ont modernisé la langue hébraïque. Elle dispose dorénavant d'une grammaire et d'une syntaxe. Qui t'a invité, toi? Oh, cela bien. Laisse parler ton mari, enfin. Oh, non. S'il reste ici, je m'en vais. Dis donc, je suis encore le chef dans ma propre maison. Et il ne sera pas dit que mon gendre se voit interdire l'entrée de mon logis. Eh bien, reçois qui tu veux, moi je m'en vais. Zlabia, est-ce que je peux savoir pourquoi tu es en colère? C'est parce que je t'ai demandé de faire du café pour les livreurs? Excuse-moi, mais tu aurais pu y penser, non? Ah, Zlabia, tu oses gifler ton mari dans la maison de ton père? Zlabia, reviens immédiatement! Elle a un secret tempérament, cette fille. En plus d'être jolie. Ouais, c'est ma maîtresse. J'aime bien ton pays, chat qui parle. Ça me change de mien. Chez moi, quand on se lève le matin, on se demande toujours si les soldats ne vont pas venir nous égorger. Ah. Je crois bien que personne n'a jamais pris autant de coups qu'un juif en Russie. C'est quoi qui dépasse de ta poche, là? C'est pour écrire? Et là-bas, il fait toujours mauvais. Et en plus, on est bête. Figure-toi que quand Lénine est arrivé, on a tous cru que c'était le Messie. Même moi, je fais des portraits de Lénine au Messie. Ah non, je vois, là, c'est pour faire des dessins. Tu es peintre alors? À la Révolution, on m'a confié la direction de l'école d'art de ma petite ville. Je devais impliquer le peuple dans les œuvres. Tu parles. Quoch mit Zeus. Comme on dit, du vent. Oh, tu verras ici, il y a plein de choses à peindre. Il y a des couleurs partout. C'est la plus belle lumière du monde. Tous les mondes venaient à mon école. des gosses, des vieux, des gens qui n'avaient même jamais vu un seul tableau de leur vie. Je commençais à leur faire dessiner des vaches, des chèvres, des chevaux, des choses de notre quotidien des paysans. Et on accrochait ça partout dans le village. On pensait que révolution, ça voulait dire c'est tous les jours la fête. Et est-ce que peintre, ça gagne plus que rabbin? On a voulu faire des lettres hébraïques aussi. Parce que dans mon village, il n'y a que des juifs. Mais des commissaires du parti sont venus et nous ont dit de leur retirer. Les animaux non plus. Ils n'en voulaient pas. Ils nous ont dit qu'on n'avait rien compris à la révolution. Ils ont tout jeté au feu. Même les chats? On devait faire des œuvres qui exaltaient l'industrialisation et le progrès du pays, comme ils disaient. Mais qu'est-ce que tu trafiques là? Tu vas pas faire des cochonneries sur ma table, toi, hein? Alors, ils ont envoyé un type de Moscou qui était soi-disant plus compétent que moi, au métier de révolution. Fais voir ce que tu gribouilles. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais moi, il faut que j'aille voir ma maîtresse. Et maintenant? Il a réquisitionné l'école d'art pour qu'elle produise des objets en ferraille qui ne signifient rien. Ouais, c'est pas mal. On a tous compris que le missile n'était pas prêt d'arriver. Ouais. Bon, elle est pas au hammam. Et où est-ce qu'elle a pu se réfugier cette fois? Excusez-moi, mon ami. Excusez-moi, oui, bonjour. Voilà, je cherche ma maîtresse. Malheureusement, j'ai pas la chance de disposer d'un odorat aussi exceptionnel que le vôtre. Je n'ai sur moi aucune étoffe lui appartenant, mais comme nous nous sommes blottis l'un contre l'autre il y a à peu près une heure, je me suis dit que, enfin, qu'en me reniflant, peut-être, vous pourriez... Oui, non, mais... Connard ! Quand je pense qu'on m'a dit que mes œuvres étaient dangereuses parce qu'elles risquaient de démoraliser le peuple... Écoute, je suis vraiment désolé, mais je comprends pas ce que tu dis. Alors, ça sert à rien de continuer à parler. Non ? Tiens, bois ça, plutôt. Ça s'appelle de la nisette. La marque, c'est Phénix. Parce qu'il paraît que quand on en boit, on renaît de ses cendres. On nous a demandé de rassembler des livres juifs pour qu'ils quittent le village. Ici, on n'a pas de harangue comme chez toi. Mais goûte-moi ça un peu. Non. Comme la révolution avait besoin d'argent, il valait mieux les revendre à l'étranger plutôt que les brûler. Ce sont des œufs de poutargue. Oh, ça va très bien avec la nisette. Alors, quand j'ai vu une caisse qui est partie en Éthiopie, je sautais dedans aussitôt. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu trouves pas que c'est divin? À Marseille, je suis sorti en cachet pour choper à manger au marin. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est pourquoi je me retrouve maintenant à Alger. Écoute, mon ami, ferme-la un peu. Permets-moi de savourer en silence ce mets délicieux que l'Éternel a eu la bonté de ne pas nous interdire. Ou alors je t'emmène dans ta boîte. Entends. Ah, je comprends rien. Ouais. Ce qu'il me raconte. Ok, alors elle n'était pas chez la grosse, elle n'était pas non plus chez celle qui a un long nez et qui donne des leçons de religion à tout le monde, mais qui fume en cachette le Shabbat. Elle n'est pas chez celle qui couche avec tous les garçons de la ville, ni chez celle qui est encore plus bête que les autres et qui n'attend que de se marier. Bref, elle n'est chez aucune de ses amies. Donc, elle ne peut être que là-bas. Alors, qu'est-ce que tu fais là, grande nouille? Hein? C'est ton mari? Tu t'ennuies avec lui? Arrête de miauler, toi. T'es pénible à la fin. Même quand je veux être loin de tout, tu te ramènes pour faire le malheureux. Et en plus, tu grelottes. On n'a jamais vu ça, un chat qui grelotte en Algérie. Je suis sûre que tu le fais exprès. Pour te faire cajoler. Non ? Thank you. et восхитительный свет. Oh non, c'est pas vrai. Entre moi qui miaulais et l'autre qui ne parlait qu'en russe, mon maître a fini par en avoir un peu marre. Мне нужны холсты и подставка для них. А вы мне можете их достать? Mais quand est-ce qu'il va se taire, celui-là? Il te dit qu'il veut faire de la peinture. Allez, ça suffit. Il devait y avoir quelqu'un qui parle le russe dans cette ville. T'as qu'à aller à l'église russe. Et arrête de miauler, toi! Ah, je sais. Je vais aller à l'église russe. Ah, voyons, quelle idée lumineuse. Mon père? L'église russe d'Alger est vraiment toute petite. C'est que les orthodoxes sont très peu nombreux à Alger. Bonjour père, je suis le rabbin Tzvar, vous savez, de la petite synagogue près du port. Alors je me permets de vous déranger, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui parle russe. Alors je me suis dit que chez vous peut-être... Ah ouais, je suis catholique moi. Ah bon? Et qu'est-ce que vous faites dans une église orthodoxe? Ah, bien comme ce temple était à l'abandon, mon diocèse m'a nommé ici. Mais je pratique les rites romains. Hein. Enfin, quand j'en ai l'occasion. Vous avez un joli chat, dites-moi. C'est juste un chat, vous savez. Merci quand même. Asseyez-vous, allez-y. Asseyez-vous. Oui, il y a beaucoup de grandes églises dans le coin. Alors moi, je vois assez peu de monde. Ah, vous ne connaissez pas de russe, alors? Si, si, j'en ai un. Mais il fait ses prières sans moi. Oh, c'est un drôle de personnage, celui-là. Monsieur Vastenov, il s'appelle. Un riche. Il vient tous les jours au même moment. Il entre à genoux dans l'église, il engueule Dieu pendant une heure, et puis il disparaît. Il engueule Dieu en russe? Principalement, oui. En français aussi, quelquefois. Ah, ça m'intéresse, ça. Eh ben, on va l'attendre. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder. Allez, servez-vous. Ma bonne a préparé la clémia. Délicieux, mais c'est vivre, votre abonne. À suivre. Le chat du rabbin de Johann Sfar. Adaptation Catel Guillou. Le chat du rabbin de Johann Sfar est publié chez Dargaud. 7e épisode avec Rufus, Jonathan Cohen, Sulian Brahim, Slimane Yefsa, Léonide Glouchenko, Nicolas Lekwang, Xavier Xapla, Georges Serre, Philippe Lodenbach, Joachim Salinger, Olivier Claverie, Julie Pouillon, et les voix de Mathieu Lemeunier, Phil Bouvard, Marc Léonian, Henri Alexandre, Christophe Chen, Julien Boiniche, Farouk Bermouga, Félicien Jutner, Mélissa Barbeau, Morgane Hainaut. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Claire Levasseur, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Marie Placet. Réalisation, Cédric Ossire.